الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc, alhamdulillah, étant donné qu'on est dans le mois de Ramadan et qu'on veut profiter, inshallah, le plus possible du bienfait de ce mois, et en même temps aussi, étant donné que c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son Coran, a révélé sa parole à son messager, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons descendu, nous l'avons révélé dans la nuit de la destinée, laylatul qadr. Et également dans une autre sourate dans laquelle il dit « Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka » Nous l'avons fait descendre, nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Et c'est donc dans le mois de Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. Et c'est pour cette raison donc qu'on va profiter, inshallah, pour faire un cours justement sur le tafsir et pour expliquer les différents versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier une sourate qui se nomme Az-Zumar, et c'est traduit par les groupes. Et donc on commence maintenant, inshallah, le cours sur l'explication de sourate Az-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Donc on a lu les versets du verset 1 au verset 7. Donc c'est les versets qu'on va expliquer, inshallah, qu'on va essayer d'expliquer et de lire aujourd'hui. Yani le tafsir de ces versets-là, et on se base sur le tafsir. Moi j'utilise deux tafsirs maintenant. Yani il y a le tafsir de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui s'intitule Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, et j'utilise également un résumé du tafsir de l'imam Ibn Kathir al-Misbah al-Munir fi tahdhib tafsir Ibn Kathir de l'imam du Cheikh Safi al-Rahman al-Mubarak Fouri. Donc je prends des informations et des explications de ces deux tafsirs, parce que je vois que les deux se complètent. Cheikh Sa'di, il explique bien les détails et les explications qui ont rapport avec la aqida et yani la foi dans l'islam, et il retourne beaucoup aux explications du Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah sur les versets. Et l'imam Ibn Kathir, eh bien, il rapporte beaucoup de versets qui ont rapport avec le verset en question. Donc, il se réfère à d'autres versets qui parlent du même sujet. Et il fait des relations entre ces versets-là. Et aussi, également, il rapporte des hadiths parfois et des paroles des ulama de tafsir pour clarifier la signification parmi les paroles des sahaba et des tabi'in. Donc c'est quelque chose qui rajoute un peu plus de clarification et qui est bénéfique également. Donc yani justement par rapport à Surat Az-Zumar, le Cheikh Al-Mubarak Fouri, il explique que c'est une surah qui est makkiya. C'est une surah qui est makkiya. Elle a été révélée à Mecca. Et on sait que une des particularités des sourates qui sont révélées à Mecca, c'est qu'elles sont concentrées sur la foi et sur les questions qui ont rapport avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'iman bil-akhirah. Donc, c'est les choses sur lesquelles se concentrent les sourates qui parlent, les sourates qui sont révélées à Mecca. Et yani donc, c'est une des sourates qui est makkiya, qui est révélée à Mecca. Et c'est une des grandes sourates dans le Coran. Toutes les sourates sont grandes, mais celle-là, elle est yani très très remplie de versets qui concentrent sur la foi et sur le tawhid et la réfutation du shirk, et des clarifications en rapport avec ces principes des fondements de la religion. Et donc c'est une sourate qui est très importante et très belle en même temps. نعم. Donc le Cheikh dit: روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. Donc le Cheikh, il explique, il mentionne que l'imam al-Nasa'i, il rapporte dans son sunan, selon Aïcha radiallahu anha, qu'elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait tellement qu'on disait il ne veut pas briser son jeûne. Et parfois il restait tellement longtemps sans jeûner qu'on disait il ne veut pas jeûner. Et elle dit ensuite qu'il récitait chaque nuit Bani Israël, la surat al-Isra, qu'on appelle surat Bani Israël, et Az-Zumar. Az-Zumar, c'est-à-dire les groupes, c'est la surat dont on parle aujourd'hui. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la lisait souvent, chaque nuit. Donc cette surat, elle commence par les versets qu'on a lus tout à l'heure, et qui signifie donc le premier verset: Tanzilul Kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. La traduction de ce verset: la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Naam. Donc l'imam Ibn Kathir, il mentionne dans son tafsir يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب هو وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى، فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا هنا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Donc le Cheikh il explique, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala il a fait descendre ce livre. Allah nous informe qu'il a révélé ce livre, et c'est un livre qui est très grand, et il vient de sa part tabaraka wa ta'ala, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est un livre de vérité, c'est un livre de vérité, et il n'y a à son sujet aucun doute, aucune ambiguïté et aucun doute, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans plusieurs versets, comme les versets dans lesquels il dit وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، c'est-à-dire c'est une révélation du Seigneur des mondes. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، l'Esprit Saint l'Esprit Saint est descendu avec. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، dans une langue arabe claire. Ensuite, il mentionne un autre exemple dans Surat Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est un livre puissant. Innahu lakitabun aziz. Le faux ne l'approche pas, ne l'atteint pas, ni par devant ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Et ici, dans cette sourate, il commence la sourate en disant que c'est une révélation, la révélation du livre, elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-aziz, al-hakim, donc celui qui est tout puissant et qui est sage, al-aziz, celui qui est tout puissant, celui qui a la force, la grande force et la puissance, et al-hakim, ay fi aqwalihi wa af'alihi wa shar'ihi wa qadarihi, c'est-à-dire le sage, celui qui a la sagesse ultime dans ses paroles, dans ses actions, dans sa législation, dans ses lois, dans sa révélation et dans ce qu'il a prédestiné également. Donc Cheikh Al-Sa'di il mentionne à ce sujet-là, il dit يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه وأنه نزل من الله عز وجل العزيز الحكيم أي الذي وصفه أو الذي وصفه الألوهية للخلق وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء والحكمة في خلقه وأمره فالقرآن نازل ممن هذا وصفه. Donc le Cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe de la grandeur de ce Coran et de la majesté de ce Coran et du fait qu'il a mentionné et parlé et révélé, il a parlé ce Coran, il l'a prononcé lui-même et qu'il l'a révélé, et que c'est de lui que ce Coran-là est révélé, c'est sa parole, et que Allah, il est Al-Aziz, Al-Hakim, et que ce Coran est révélé de celui qui est tout-puissant et sage, c'est-à-dire qu'il a parmi ses attributs l'attribut de Al-Uluhiyya vis-à-vis de la création, c'est-à-dire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré par sa création. Et ça, c'est à cause de sa grandeur, et à cause de sa perfection, et à cause de sa toute-puissance, par laquelle il a contraint toutes ses créatures, et qu'il a le pouvoir sur toutes choses, et par laquelle toute chose lui est soumise, et rabaissée, et humiliée. Et également, qu'il a également comme attribut la sagesse, hein, qui se manifeste dans sa création et qui se manifeste également dans ses ordres. Et il a créé tout, toute chose, et il ordonne toute chose par sa sagesse. Hein? Et le Coran, il dit que le Coran, donc c'est la description dont il en a fait. Le Coran nazilun mimman hadha wasfu. Donc le Coran, il est révélé de celui dont on a trouvé la mention des attributs qu'on vient de mentionner. Et il dit wal kalam wasfun lil mutakallim. والوصف يتبع الموصوف فكما أن الله تبارك وتعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته. Donc le cheikh il explique, il dit que le Coran, donc il est révélé de celui dont on a mentionné les attributs, qu'il est le Tout-Puissant et le Sage. Et cette parole, c'est une caractéristique et une attribut de celui qui l'a prononcée, hein, de celui dont elle vient, cette parole. Donc, la description, elle est reliée à la personne qu'on a décrit. L'attribut, elle est reliée à celui qu'on a décrit. Et donc, étant donné qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est parfait sur tous les plans et dans tous les aspects, eh bien, sa parole également, elle est parfaite. Et de la même façon qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui est comparable, il n'y a rien qui lui ressemble, eh bien, on dit la même chose également à propos de sa parole. C'est-à-dire que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et elle est parfaite sur tous les plans. Et ça, à lui seul, cette chose-là, à elle seule, elle est suffisante pour décrire le Coran. Cette chose-là, elle est suffisante pour décrire le Coran et pour montrer son statut et son importance. Le cheikh, il dit, puis ensuite, donc, dans la suite du verset, ou le verset qui suit après, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq fa'budillaha mukhlisan lahuddin » Donc il continue, Allah subhanahu wa ta'ala continue à mentionner et à parler du Coran et du fait qu'il l'a révélé. Et il dit, nous t'avons fait descendre le livre, hein, nous t'avons fait descendre le livre, ou nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en purifiant ta religion et ta foi uniquement pour lui. Donc, Cheikh Sa'di, il explique ici et il dit لكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف الخلق فعلم انه اشرف الكتب وبما نزل به وهو الحق وبما نزل به وهو الحق فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas limité à décrire le Coran tel qu'il l'a décrit et de mentionner qu'il est révélé de celui qui est tout puissant et sage, qu'il a mentionné donc cette description là en parlant de celui qui l'a révélé. Et du fait que, puisque c'est le Tout-Puissant et le Sage qui l'a révélé, eh bien c'est une parole qui est parfaite et qui est comparable à une autre parole. Hein? Mais en plus de ça, même si c'était suffisant pour le décrire, il rajoute à cette description-là en perfection, en mentionnant la personne sur qui ce Coran a été révélé, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est la plus noble de toutes les créatures d'Allah. Hein? Et donc on sait, à ce moment-là on comprend que le Coran c'est le plus noble des livres. Hein? Et qu'il est descendu avec quoi, ce Coran? Il est descendu avec la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre avec la vérité au sujet de laquelle il n'y a pas de doute. Pour faire sortir la création et les créatures des ténèbres vers la lumière. Et il dit ensuite وَنَزَلَ مُشْتَمِلًا عَلَى الْحَقِّ فِي أَخْبَارِهِ الصَّادِقَةِ وَأَحْكَامِهِ الْعَادِلَةِ. Donc il est descendu avec ce qui contient la vérité dans les informations véridiques qui sont mentionnées dedans et les règles de, justice qui sont révélées dans ces règles. فَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فَهُوَ أَعْظَمُ أَنْوَعِ الْحَقِّ من جميع المطالب العلمية وما بعد الحق إلا الضلال. Donc le cheikh il dit que tout ce qui est indiqué par le Coran, alors c'est parmi les plus grandes formes et les plus grandes sortes de vérité. Et parmi les yani toutes les différentes nécessités scientifiques qu'on a besoin de connaître. Et après la vérité, il n'y a que l'égarement. Après la vérité, il n'y a que l'égarement. Et il dit ولما كان نازلا بالحق مشتملا على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق عظمت فيه النعمة وجلت ووجب القيام بشكرها وذلك بإخلاص الدين لله. فلهذا قال فاعبد الله مخلصا له الدين اي اخلص لله تعالى جميع دينك ومن الشرائع الظاهره والشرائع الباطنه الاسلام والايمان والاحسان بان تفرد الله وحده بها وتقصد به وجهه ولا غير ذلك من المقاصد. Donc le cheikh il explique que comme on a expliqué que le Coran il est descendu, il a été révélé avec la vérité et qu'il comprend la vérité pour guider les créatures et qu'il a été révélé sur la plus noble des créatures, et donc on comprend la grandeur de la grâce que cela yani comporte et comment cette ni'ma que Allah nous a faite, elle est grande et elle est immense. Et donc, ça implique qu'il est obligatoire pour nous d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce qu'il a fait descendre sur nous. C'est-à-dire qu'il nous a donné ce Coran. Et la façon dont on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là, c'est en purifiant notre adoration et notre religion pour qu'elle soit à Allah seul, c'est-à-dire pour que notre adoration soit uniquement pour Allah, et qu'on purifie notre religion pour lui, c'est-à-dire qu'on établisse qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est-à-dire le fait de purifier et d'enlever de notre religion tout ce qui est incorrect, tout ce qui est impur, et de faire en sorte que l'adoration soit uniquement pour Allah. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans la suite du verset فَعْبُدِلَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ, c'est-à-dire et donc adore Allah en lui vouant un culte pur, en l'adorant de façon exclusive, c'est-à-dire en adorant que lui. Et le cheikh explique en disant que ça veut dire que tu dois purifier pour Allah toute ta religion en entier, de tous les aspects et toutes les formes d'application et de pratiques religieuses que tu fais, que ce soit des pratiques apparentes ou des pratiques cachées intérieures dans ton cœur, tu dois les purifier au complet pour qu'elles soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit l'islam, ton islam, ta foi, ton iman, ou bien ton ihsan, les trois degrés de la religion, les trois degrés de l'islam, c'est l'islam qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et le tawhid et le fait de s'écarter du shirk, et la foi qui consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier, en la prédestination, et ainsi de suite. Et al-ihsan, c'est-à-dire le fait de parfaire et de parfaire notre adoration et de faire notre adoration avec excellence et avec le plus haut niveau de conscience et de piété. Et c'est donc le cheikh il dit, c'est-à-dire que tu vas rendre ton adoration pour Allah exclusive à lui, que tu vas n'adorer personne d'autre que lui, et que tu ne vas faire tes œuvres que pour lui, et que tu ne vas avoir comme objectif et comme but le visage de ton Seigneur, c'est-à-dire de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et son visage à lui seul, et de rejeter tout autre objectif et de ne pas chercher autre chose que cela, c'est-à-dire de ne pas chercher autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu fais une adoration. Et c'est ce que le cheikh l'imam Ibn Kathir il mentionne également dans son tafsir aussi. Il dit إِنَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. C'est-à-dire, adore Allah, il dit, أي فَاعْبُدُ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَادْعُوا الْخَلْقِ إِلَى ذَلِكَ وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ لَا تَصْلُحُ الْعِبَادَةَ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ وَلَا عَدِيلٌ وَلَا نَدِيدٌ. C'est-à-dire, adore Allah lui seul, sans partenaire, sans associé, et appelle la création à cela, et fais-leur savoir que l'adoration ne sera valable que s'il l'offre à lui seul, et qu'il n'a pas de partenaire, et qu'il n'a pas d'associé, et qu'il n'a pas d'égal, et qu'il n'a pas d'égal ou de semblable. Hein? Et ensuite il dit وَلِهَذَا قَالَ تَعَلَى أَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Donc la suite du verset c'est أَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ, c'est-à-dire n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure. أَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ, hein, c'est-à-dire certes c'est à Allah qu'elle appartient cette religion de pureté, cette religion qui est de purifier notre adoration pour Allah seul. Et Cheikh Sa'di il dit ala lillah ad-din al-khalis, il explique ce verset, il dit hadha taqrirun lil amr bil ikhlas wa bayanun annahu ta'ala kama annahu lahu al-kamal kullu wa lahu at-tafaddul ala ibadihi min jami' al-wujuh فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبوديته والإنابة إليه من تحصيل مطالب عباده. Donc le cheikh explique que ici Allah subhanahu wa ta'ala il confirme l'ordre de purifier l'adoration pour Allah seul en disant ala lillahi ad-dinul khalis, hein, ala lillahi ad-dinul khalis, certes c'est à Allah seul, c'est à Allah qu'appartient à lui seul la religion de la pureté, hein, la religion de al-ikhlas. Et il explique donc que ça c'est pour confirmer ce qui a été dit dans le verset précédent fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, et c'est une explication de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est-à-dire que la perfection appartient uniquement à Allah, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la faveur et la grâce sur ses serviteurs sur tous les plans et dans tous les aspects. Et de même que c'est à lui qu'appartient la religion de pureté, la religion qui a été purifiée de toute imperfection, et c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour lui-même et qu'il a agréée pour les meilleurs de ses créatures et qu'il a ordonné à ses créatures de suivre et d'établir. Et cela implique qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour qu'ils ont pour lui et dans la crainte qu'ils ont pour lui et dans l'espoir qu'ils ont en lui, et également dans le fait de se repentir vers lui, hein, dans leur adoration, et de revenir vers lui pour acquérir ou pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de retourner vers lui pour obtenir ce que les serviteurs désirent et de le demander à Allah seul. وكذلك وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء فهو أغنى الشركاء عن الشرك وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة مشفق للنفوس غاية الشقاء. Donc le cheikh il explique que cette religion de la purification et de la pureté, c'est la seule qui peut purifier les cœurs, c'est la seule qui peut réformer les cœurs, et le shirk ne peut pas purifier quoi que ce soit des cœurs, hein, le shirk ne peut pas purifier les cœurs et ne peut pas rendre, ne peut pas, donc il dit duna shirk bihi, c'est-à-dire si tu fais le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue complètement de cette adoration-là, c'est-à-dire qu'il la rejette et qu'il n'en veut pas, hein. Il ne veut rien savoir de l'adoration qui n'est pas pure ou de l'adoration qui contient du shirk. Hein, il n'en veut pas. Il ne veut que ce qui est pur, uniquement pour lui. Et il mentionne la parole qui est tirée d'un hadith Qudsi, hein, qui est un hadith Qudsi authentique, qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est le plus riche, qui se passe absolument de partenaire et qui n'a pas besoin de shirk. Hein, et on sait que quand des êtres humains prennent des partenaires entre eux, dans un projet ou dans un commerce ou dans une propriété ou dans quelque chose qu'il possède, quand des êtres humains prennent des partenaires, c'est souvent comme par exemple lorsque quelqu'un a besoin d'un support ou d'aide. Si quelqu'un par exemple a pas assez d'argent pour acheter un immeuble, hein, il demande l'aide d'un autre partenaire qui va prendre ou acheter avec lui une partie de cet immeuble, et ils vont se partager les bénéfices et les profits entre eux, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de partenaire, hein? Tout lui appartient à lui seul, il n'a pas de partenaire dans sa création. Et donc de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de partenaire dans sa création, eh bien il n'a pas non plus de partenaire dans son adoration. Il n'accepte pas qu'on lui donne des partenaires dans l'adoration également. Et le cheikh, ce qu'il mentionne ici dans cette explication-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ana arna shuraka et ani shirk, hein, que j'ai pas besoin de partenaire et que je n'ai pas de partenaire, et Allah n'accepte pas le shirk. Et il explique que le shirk, c'est quelque chose qui corrompt les cœurs et les âmes dans la dunya et dans l'au-delà. Wa mushqin nufus ghayat ash-shaqa, et qui rend les âmes malheureuses à l'extrême du malheur. Hein? Et donc, c'est quelque chose qui est dangereux et qui amène les gens vers la corruption et qui corrompt, c'est ce qui corrompt tout dans le monde, le shirk. Le cheikh il dit فلذلك لما امر الله بالتوحيد وبالاخلاص نهى عن الشرك به, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le tawhid, eh bien il a ordonné le tawhid et al-ikhlas, l'unification d'Allah dans l'adoration et le fait de purifier notre adoration de tout ce qui est shirk, eh bien en même temps il nous interdit le shirk, hein. وأخبر بذم من أشرك به, et il nous informe ensuite du blâme qu'il a fait à celui qui associe quoi que ce soit avec lui. Et c'est dans la suite du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit يعني على لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. C'est-à-dire, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce sur quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur. Allah ne guide pas celui qui est menteur. Donc, on va expliquer ça tout de suite dans l'explication du Cheikh Saadi. Donc, il dit, فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم معتذرين عن أنفسهم وقائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرؤوا على أعظم المحرمات وهو الشرك. Donc le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit donc ce qui signifie et ceux que vous avez وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ceux qui ont pris en dehors de lui, en dehors d'Allah, des protecteurs, ils disent, c'est-à-dire, le Cheikh explique, il dit, c'est-à-dire qu'ils les prennent pour alliés dans leurs adorations, dans leurs invocations, et ils prennent comme excuse cette adoration qu'ils offrent à ces protecteurs ou à ces partenaires qu'ils ont offert à Allah, ils essaient de prendre pour excuse pour eux-mêmes en disant, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah, comme si pour que eux nous aident à nous rapprocher plus d'Allah. Et le Cheikh il dit, c'est-à-dire que lorsqu'ils disent ça, ils veulent dire par là qu'ils veulent de la part de ces partenaires qu'ils ont offert à Allah, de ces protecteurs qu'ils ont pris en dehors d'Allah, que eux ramènent leurs demandes à Allah, comme si les saints et les hommes pieux qu'ils ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah, que c'est eux qui vont ramener à Allah leurs prières et qui vont intercéder pour eux auprès d'Allah. Et ils disent en même temps que nous on sait très bien que ces idoles ou ces statues ou ces saints ou ces hommes pieux, ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent pas donner la subsistance, et qu'ils ne possèdent rien du commandement, et qu'ils ne peuvent rien ordonner de quoi que ce soit. Donc, le Cheikh, il explique, il dit, donc on voit que ceux-là, ils ont abandonné ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, de purifier leur adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah, et pure pour Allah, et ils ont oser commettre la plus grande de toutes les interdictions d'Allah, c'est-à-dire le shirk, le plus grand de tous les péchés. Et le Cheikh Saadi, il dit ensuite, وَقَاسُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ الْمَلِكُ الْعَظِيمُ بِالْمُلُوكِ وَزَعَمُوا بِعُقُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَرَأْيِهِمُ السَّقِيمُ أَنَّ الْمُلُوكَ كَمَا أَنَّهُ لَا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة. فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que les mushrikoun qui utilisent des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah dans l'adoration et qui pensent que ces intermédiaires et ces intercesseurs vont les rapprocher davantage d'Allah, hein, le cheikh dit que ceux-là, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de faire des analogies, hein, et d'essayer de comparer entre celui que rien ne ressemble, celui à qui rien ne ressemble, Al-Malik al-Azim, le roi, le souverain suprême, le grand roi, Allah subhanahu wa ta'ala, il le compare aux rois qui sont sur terre, parmi les hommes. Et ils pensent, à cause de leur raison qui est corrompue, et de leur opinion qui est malade, que les rois sur terre, parmi les humains, étant donné qu'on ne peut pas se présenter à eux et arriver à leur parler sans passer par des intermédiaires et des intercesseurs dans la vie d'ici-bas, pour que ces intermédiaires ou ces intercesseurs ou ces ministres ou ces députés ou ces gens, il y en a qui sont autour du roi, puissent ramener leurs demandes, hein, auprès du roi, et qu'ils vont essayer de les amadouer et de leur préparer le chemin pour qu'ils puissent par la suite aller vers le roi et obtenir ce qu'ils veulent de sa part. Donc ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala est de la même façon et que ça fonctionne pareil, hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique que cette analogie qu'ils ont fait, cette comparaison, c'est parmi les comparaisons et les analogies les plus corrompues et les plus mauvaises, puisqu'elle implique de mettre à égalité le Créateur avec la créature. Et on sait très bien qu'il y a une grande différence dans la raison, logiquement, et dans les textes et dans la fitra, entre les rois qui sont sur terre et Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque les rois sur terre, hein, parmi les êtres humains, ils ont uniquement besoin d'intermédiaires ou d'intercesseurs, ou qu'on fasse l'intercession entre eux et leur sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les besoins et les situations de leur sujet, et donc ils ont besoin de ceux qui vont faire l'introduction pour eux et leur expliquer quels sont les états et les besoins de leur sujet pour être capable par la suite de les amadouer ou bien de venir en aide à ces sujets-là. Hein? Et le cheikh il dit وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم فيحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم وهم أيضا فقراء وقد يمنعون لما يخشون من الفقر. Donc le cheikh il explique que de la même également les rois sur terre, il se peut qu'il n'ait pas de miséricorde pour la personne qui a un besoin, hein, qui vient demander. Et il est possible également, donc, que étant donné que si le roi n'a pas cette miséricorde là pour eux, qu'ils aient besoin de quelqu'un pour essayer de les amadouer, hein, et de leur faire comprendre le grand besoin de la personne pour que par la suite le roi en question ait plus de miséricorde envers cette personne, puis qu'elle s'attarde un peu plus à son cas et à son problème. Et donc ils ont besoin de ministres ou d'intercesseurs et ils les craignent, hein, ils les craignent, ils ont peur d'eux. C'est-à-dire que les rois ont peur d'eux Et les gens ont peur d'eux aussi, dans le sens que les rois ont peur d'eux, dans le sens qu'ils craignent de ces ministres qu'ils peuvent parfois vouloir leur trône, hein, et se rebeller. Et ils ont peur aussi de la population, d'une certaine façon aussi, qu'ils se rebellent, comme c'est le cas de certains parfois, hein, de certains peuples, comme on le voit actuellement, qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui yani sont influencés par des idées comme les idées des Khawarij, hein, et lorsqu'ils ne sont pas contents de quelque chose, parmi les affaires de la dunya, et bien, ils se révoltent, hein, comme c'est le cas chez les gens qui n'ont pas compris l'islam correctement. Donc ils ont peur de ça quand même. Et donc ils, à cause de ça, ils vont remplir les besoins de ceux qui viennent intercéder pour eux et pour qui on est venu intercéder en leur faveur. Et ils font ça pour yani, éviter d'avoir en même temps des problèmes avec leurs ministres, et également parce que ces gens-là donc sont dans le, ils ont eux-mêmes le besoin, et il se peut qu'ils ne puissent pas de, il se peut aussi qu'ils refusent de donner aux pauvres ou à celui qui a un besoin, parce qu'ils ont eux-mêmes peur de devenir pauvres, c'est-à-dire les créatures comme les rois et autres, eux-mêmes ont peur de devenir pauvres et de perdre leur richesse. Donc ils peuvent refuser de donner à cause de ça, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le cas. Et c'est ça que le cheikh explique maintenant. Il dit amma ar-rabb ta'ala fa huwa alladhi ahata 'ilmuhu bi zawahir al-umur wa bawatinha alladhi la yahtaju man yukhbiruhu bi ahwal ra'yatihi wa 'ibadihi wa huwa ta'ala arhamur rahimin وأجود الأجودين ولا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'est pas comparable, bien entendu, à ses créatures parmi les rois, hein, et les êtres humains. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance des choses apparentes et des choses cachées, hein, et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces créatures, il le sait. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir lui donner cette information et qui va lui parler de l'état de ses serviteurs et de ses créatures. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ça, et il a la connaissance parfaite de toutes ces choses-là. Et également, il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui mettre, pour l'amadouer, ou bien pour lui mettre la miséricorde, par rapport à ses créatures ou à ses serviteurs, puisqu'il est Arhamur Rahimin, hein, il est le plus miséricordieux des miséricordieux, et Ajwadul Ajwadin, le plus généreux des généreux, et il n'a pas besoin de quiconque parmi ses créatures pour l'amadouer envers ses serviteurs et envers ses créatures. Au contraire, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs et envers ses créatures que ces serviteurs-là sont miséricordieux envers eux-mêmes, et plus miséricordieux même que leurs propres parents envers eux. Hein? Et il est celui qui les incite et qui les encourage et qui les incite à invoquer et à prendre les causes pour obtenir de cette miséricorde. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui incite les créatures à demander de cette miséricorde et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui veut le bien pour ses serviteurs et pour ses créatures. Et il veut même plus le bien que pour, il veut, Allah subhanahu wa ta'ala veut même pour ses serviteurs le bien plus que les serviteurs le veulent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux qu'est-ce qui est bien pour nous que qu'est-ce qu'on connaît nous-mêmes. Et il le veut plus pour nous, ce bien, qu'on le veut nous-mêmes pour notre propre personne. Et ensuite, il continue le cheikh en disant « وَهُوَ الْغَنِيُّ الَّذِي لَهُ الْغِنَى التَّامُ الْمُطْلَقُ الَّذِي لَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ مِنْ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوهُ فَأَعْطَى كُلًّا مِنْهُمْ مَا سَأَلَهُ وَتَمَنَّى لَمْ يَنْقُصُوا غِنَاهُ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصُوا مِمَّا عِنْدَهُ إلا كما ينقص البحر إذا غمص فيه المخيط وجميع الشفعاء يخافونه فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه وله الشفاعة كلها. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms c'est qu'il est Al-Ghani. Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Ghani, le riche, hein, celui qui se suffit à lui-même. Et il a la richesse absolue et complète et parfaite. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui que si toutes les créatures, de la première jusqu'à la dernière, se tenaient ensemble, toutes les hommes, toutes les créatures se tenaient ensemble, parmi les hommes et les djinns, et qu'ils se tenaient ensemble dans un seul endroit pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils souhaitent, et que Allah subhanahu wa ta'ala donnait à chacun d'entre eux tout ce qu'il a demandé et tout ce qu'il a souhaité, eh bien, ça n'aurait rien fait diminuer de ce qu'il possède et de sa richesse. Hein? Il n'aurait rien diminué de sa richesse et de ce qu'il possède. Hein? Et ce ne serait même pas comparable à, c'est-à-dire ce qu'il aurait donné, ce ne serait même pas comparable à ce que l'aiguille ramène de l'océan lorsqu'on trempe une aiguille dans l'océan. Hein? Si tu trempes une aiguille dans l'océan, qu'est-ce qui en ressort? Hein? C'est une goutte d'eau. Eh bien, tout ce que les êtres humains auraient demandé, ça n'aurait même pas fait diminuer la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette quantité-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas peur de donner par crainte de pauvreté comme les créatures. Hein? Puisque son royaume et sa richesse ne se terminent jamais. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite que tous les intercesseurs, tous les intercesseurs ont peur de lui. Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme les créatures, les êtres humains, parmi les rois, qui ont peur de leurs intercesseurs ou de leurs ministres, de leurs députés, parce qu'ils savent qu'ils pourraient, s'ils ne sont pas satisfaits ou s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, essayer de comploter contre eux pour essayer de prendre le pouvoir et faire un coup d'État. Hein? Donc ils n'ont pas confiance. Et donc ils sont obligés de leur faire des faveurs et de leur faire des cadeaux et d'accepter l'intercession. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable aux créatures. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les intercesseurs qui ont peur de lui. Et personne ne peut intercéder auprès de lui parmi les intercesseurs, excepté par sa permission. Hein? Et c'est à lui qu'appartient toute l'intercession. C'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. Hein? Et justement, dans cette sourate, plus loin, il y a un verset qui mentionne ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il dit justement: قل لله الشفاعة جميعا. Dit c'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Donc le cheikh As-Sa'di il continue, il dit فهذه الفروق يعلم يعلم جهل المشركين به. وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد علم أن حكمه أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc que ces grandes différences là qu'on vient de mentionner entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, et les rois, les grandes différences qui existent entre les rois de cette vie et les présidents et les chefs d'État et les gens importants, les chefs des compagnies dans cette vie, et Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, c'est des différences incomparables. Et ça nous fait voir et ça nous fait connaître l'ignorance des mouchriquins. À quel point les mouchriquins sont ignorants d'Allah. Comment ils ne connaissent pas leur créateur correctement. Et c'est à cause de cette ignorance-là qu'ils ont commis le shirk et qu'ils se sont égarés. Et qu'ils ont pris entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs dans l'adoration. Et également leur stupidité. Ça nous montre la grande stupidité qu'ils ont. Et leur faiblesse d'esprit, comme le cheikh l'explique. وَسَفَهِهِمْ الْعَظِيمِ وَشِدَّةِ جَرَاءَتِهِمْ عَلَيْهِ. Et à quel point ils sont effrontés dans leur opposition de la vérité, et comment ils manquent de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit qu'on comprend également la sagesse pour laquelle le shirk Allah ne le pardonnera pas. Ça nous fait comprendre la sagesse pour laquelle Allah ne pardonnera pas le shirk, parce que le shirk implique une insulte contre Allah. Lorsque tu fais le shirk avec Allah, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk est toujours basé sur une insulte contre Allah, à un point quelconque. Comme ici par exemple, quand il compare Allah avec sa création pour prendre des intermédiaires entre eux et Allah, ça implique une insulte envers Allah. Ça implique le fait de rabaisser Allah, de rabaisser Allah à un niveau qui est plus bas que ses créatures ou comparable à ses créatures, en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la connaissance infinie, n'a pas la miséricorde envers ses serviteurs, n'a pas la richesse, et ainsi de suite. Puisqu'il compare des créatures humaines, faibles, ignorantes à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, le tout-puissant, le sage, l'omniscient, le riche, al-ghani, et ainsi de suite. Donc le shirk, pourquoi Allah ne le pardonne pas? C'est parce que c'est une insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, et c'est pour ça qu'il dit ici, que c'est lui qui sera le juge entre les deux groupes, entre le groupe des gens qui ont adoré Allah seul et qui ont purifié leur adoration uniquement pour lui, al-mukhlisun, et l'autre groupe qui est le groupe des mushrikun qui ont associé avec Allah. Donc Allah il dit dans le verset suivant, ou dans le même verset mais après avoir mentionné ce qu'on a expliqué, il dit Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, il jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Donc Allah va juger entre les hommes sur ce sur quoi ils divergent. au jour de la résurrection. Et il y a en ça une menace pour les mouchriquins. Il y a en ça une menace pour les mouchriquins. Parce que c'est pas comme certains, parfois, qui mentionnent ces versets. Il dit, t'as pas le droit ou tu peux pas dire qui est sur la vérité et qui est sur le faux. C'est seulement Allah qui le sait, il faut pas juger. C'est Allah qui va juger au jour de la résurrection. C'est pas ça que le verset signifie. Le verset, comme le cheikh explique, il dit, c'est une menace que Allah subhanahu wa ta'ala fait au mushrikoun dans ce verset-là. Puisqu'il a déjà expliqué le verdict dans la révélation, dans le Coran. Il a déjà expliqué le verdict. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va implémenter et appliquer ce verdict. Mais le verdict, il est déjà connu puisqu'il nous a déjà dit quel sera le résultat de ce jugement-là. Et qu'est-ce qu'il nous a déjà expliqué qui est sur la vérité et qui est sur le mensonge, qui est sur le tawhid et qui est sur le shirk. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne. Et le cheikh il dit, on sait que le jugement d'Allah est que les croyants purs, c'est-à-dire ceux qui auront adoré Allah avec ikhlas et qui ont purifié leur adoration pour Allah seul, seront dans les jardins des délices, et que le mushrik qui associe avec Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a personne qui doute sur ça. S'il y a quelqu'un qui doute sur ça, eh bien il n'a pas cru, il n'a pas de foi en Allah. Et si quelqu'un doute que les croyants qui ont adoré Allah seul et qui n'ont pas fait de shirk seront dans le paradis et que les mushrikoun seront dans l'enfer, celui qui doute de ça, eh bien il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ça c'est clair dans la révélation et c'est révélé dans plein de versets. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, et au jour de la résurrection Allah va trancher entre les gens et il va juger selon ce qu'il a mentionné dans la révélation. Et les mushrikoun seront châtiés et vont aller en enfer pour l'éternité. Et c'est pour ça que ça représente une menace. Hein? Et ensuite, dans le verset qui suit, ou bien même, c'est encore le même verset, « Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. » Hein? Donc le cheikh, il explique, il dit, « Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas. Hey, » Le cheikh dit, hey, « La yuwaffaq للهداية إلى الصراط المستقيم ومن هو من هو من هو كذاب كفار أو من هو كاذب كفار أي إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أي وصفه الكذب أو الكفر بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب فهذا أن له الهدى وقد سد عن نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. Donc le cheikh explique que Allah, il mentionne que certes Allah ne va pas guider, c'est-à-dire il ne va pas lui donner le succès de la guidance vers le droit chemin. Qui, c'est-à-dire de qui il parle? Il parle de celui qui est un menteur, un grand menteur et un grand négateur, celui qui nie la vérité, qui rejette la vérité. C'est-à-dire celui qui est décrit comme étant sur le mensonge et la mécréance, le fait de renier la vérité, et du fait que les exhortations lui viennent et les versets d'Allah lui viennent et il reste tel qu'il a été décrit, c'est-à-dire dans le mensonge et dans le reniement et le rejet de la vérité. Hein? Il ne sort pas de cette description malgré les signes, malgré les preuves, malgré les éléments qui lui sont présentés comme argument de la vérité du message d'Allah. Il continue à renier et il rejette la vérité. Donc comment celui-là pourrait-il être sur la guidance alors qu'il s'est lui-même fermé la porte à la guidance. Et Allah l'a puni en scellant son cœur. Et donc il ne croit pas. Allah l'a puni en scellant son cœur alors il ne croit pas. Et na'am. Donc le cheikh il mentionne ensuite l'autre verset qui suit. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie, si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il a créé, parmi ce qu'il a créé, parmi ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui l'unique, c'est lui Allah l'unique, le dominateur suprême. Cheikh Ibn, l'imam Ibn Kathir, il dit ici à propos de ce verset. Il dit إن الله donc on a dit إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Il dit أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. ثم بين تعالى أنه لا ولد له. نفس سيسي. ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى. فقال تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما دعوه وزعموه كما قال عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. نعم. Donc le cheikh explique أي نعم. Donc le cheikh explique, il dit que puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué qu'il n'a pas de fils. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Contrairement à ce que prétendent les ignorants parmi les mushrikines au sujet des anges. Ils appellent les anges les filles d'Allah, ou les fils d'Allah. Et on retrouve ça souvent aussi dans les paroles des juifs et des chrétiens. Comme le cheikh il dit, ceux parmi les obstinés, parmi les juifs et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Al-Uzayr? Ils disent que c'est le fils d'Allah. Et à propos de Isa, alayhi salam, que c'est le fils d'Allah. Le cheikh, il dit, فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِنْهُ مَا يَشَاءُ لِيَصْطَفَى مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ. Donc, si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il a créé. Subhanah, qu'il soit purifié de ce genre de choses, qu'il soit glorifié de ce genre de choses. Subhanah, qu'il soit purifié de ce genre d'imperfection que d'avoir un fils et d'être comparé aux créatures de cette façon. Il dit Ey, lakana al-amru ala khilafi ma yaz'umun. Voilà, Ey, lakana al-amru. C'est-à-dire les choses auraient été contraires à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils s'imaginent. Et ici, ça ne veut pas dire que la chose se produirait, ou qu'elle est possible, qu'elle est permise. Au contraire, elle est interdite. Hein? C'est-à-dire d'attribuer un fils, quelque chose d'interdit, d'attribuer un fils à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut uniquement ici montrer leur ignorance dans ce qu'ils ont attribué et prétendu par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et par rapport à ce qu'ils pensent. Et il y a beaucoup de versets dans ce sens-là, comme le verset 17 dans sourate Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. C'est-à-dire, si nous aurions voulu prendre une distraction, nous l'aurions pris de nous-mêmes, si nous l'aurions fait. Et l'autre verset dans sourate Az-Zukhruf: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Le verset 81 dit: si Ar-Rahman, le plus miséricordieux, avait un fils, alors j'aurais été le premier parmi les adorateurs. Hein? Donc tout ça, c'est dans le sens de montrer l'impossibilité de ce genre de choses et de montrer les mensonges, de montrer le mensonge de la parole de ces gens-là et que Allah subhanahu wa ta'ala se purifie de ce genre de choses. سبحانه هو الله الواحد القهار. On va voir qu'est-ce que dit le Cheikh Al-Sa'di maintenant à ce sujet. Il dit: نعم لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق لاصطفى منه لاصطفى مما يخلق ما يشاء. أي لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصحبة إلى اتخاذ الصحبة أو الصاحبة سبحانه يعني عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. هو الله الواحد القهار أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته لأنه بعضه وجزء منه والقهار لجميع العالم العلوي والسفلي فلو كان له ولد لم يكن مقهورا ولا كان له إدلال على أبيه ومناسبة منه ووحدته تعالى وقهره متلازمان فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. Donc le Cheikh il explique que si Allah, donc il mentionne ici, si Allah aurait pris un fils, si Allah aurait voulu prendre un fils comme le prétendent ceux qui le prétendent parmi les faibles d'esprit dans la création, il aurait choisi ce qu'il veut de sa création. Il aurait choisi ce qu'il veut de sa création pour être son fils. Hein? Il aurait choisi ce qu'il veut. Il se le serait approprié d'une manière particulière pour en faire son fils. Parce que tout ce qui existe, c'est la création d'Allah. Hein? Et il dit: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ. Il n'a pas besoin de prendre une compagne. Subhanah, qu'il soit purifié de ce que pensent les mécréants et de ce qu'ils lui attribuent. De ce que lui attribuent les gens qui dénaturent ça, ses attributs et ses noms. Donc ici, on voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute ceux qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Et il mentionne que tout ce qui est tout ce qui existe est une créature d'Allah. Hein? Et même les chrétiens qui disent, par exemple, que Jésus c'est le Fils de Dieu et qui mentionnent que, si on regarde dans les livres des chrétiens et des juifs, quand ils mentionnent les prophètes, ils parlent d'eux comme étant des fils. Hein? Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat al-Baqarah les paroles des juifs lorsqu'ils disent نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ. C'est-à-dire, ils disent, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, lui dit, بَلْ يَقُولُونَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ قَالُوا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ. Hein? C'est-à-dire, et dans ce cas-là, pourquoi il vous punit? Hein? Dans ce cas-là, pourquoi il vous punit si vous êtes ses fils, hein, et ses bien-aimés? Vous n'êtes que des créatures parmi les hommes qu'il a créés. Vous n'êtes que des hommes parmi les créatures qu'il a créées. Et Jésus n'est qu'une créature parmi les créatures qu'il a créées. Hein? Et la même chose pour les autres prophètes et pour Uzair, ce sont des créatures. Hein? Et ils n'ont pas à se faire appeler fils, puisqu'ils ne sont pas des fils. Les êtres humains et les animaux, quand ils ont des enfants, quand ils ont des petits, hein, on les appelle des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont, on les a eus. Après un échange entre un mâle et une femelle. Et c'est comme ça que se font les enfants dans les différentes espèces animales et humaines sur la terre. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ça de cette façon. Donc, même les chrétiens aujourd'hui, si tu leur demandes qui a créé Jésus, ils te disent c'est Dieu. Donc, comment s'il l'a créé, comment pourrait-il être son fils? Hein? Est-ce que ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala une épouse ou une compagne? Et si tu leur demandes, est-ce que Dieu a une femme ou une épouse, ils vont dire non. Donc, ils savent. Hein? Ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'épouse. Et donc, il n'a pas eu une possibilité d'avoir un fils. Puisque tu ne peux pas avoir un fils sans avoir une épouse. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Isa dans le ventre d'une femme. Et le fait qu'il ait créé dans le ventre d'une femme, ça ne veut pas dire que, yani, il est son père. La même chose pour Adam, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam sans père ni mère. Est-ce que ça veut dire que Dieu est son père? Non. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. De la même manière qu'il a créé la lune, et qu'il a créé le soleil, et qu'il a créé tout ce qui existe dans l'univers. Est-ce qu'on va dire que la lune est la fille d'Allah, ou le fils d'Allah, ou le soleil, la même chose? Non. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, le soleil est une créature, la terre est une créature, la lune est une créature, et Jésus est une créature, et moi je suis une créature, et tous les prophètes d'Allah sont des créatures, et les anges sont des créatures. Hein? C'est-à-dire que pour Allah, on est tous créés. Et il nous a tous créés à partir de rien. Hein? Et bien entendu, il aime certaines créatures plus que d'autres, mais ça ne les fait pas sortir de la limite d'être une créature, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces créatures-là, si Allah aurait voulu un fils, c'est ce qu'il dit dans le verset, il aurait choisi. Parmi ces créatures, celle qu'il veut, mais il n'a pas de créature, et il s'est purifié d'avoir une, il n'a pas de fils ou d'enfant, et il s'est purifié d'avoir un fils ou d'avoir un enfant, hein? Et yani, personne n'a le droit d'attribuer ça à Allah. Donc les chrétiens, ils se contredisent en disant que Dieu a un fils, puisqu'ils reconnaissent qu'il est créé. Hein? Donc, s'ils disent qu'il est créé, n'ont pas le droit de dire que c'est son fils. Et parmi les, ça fait partie des contradictions dans le christianisme, quand ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que par la suite, ils disent que les trois sont un, et que les trois sont égaux, et que les trois sont éternels. Déjà, ça c'est une contradiction, puisque un père peut pas être un fils en même temps et être un père en même temps, et que tu dis que le père et le fils sont égaux et les deux sont éternels. Ils n'ont pas de début ni de fin. Donc ça veut dire que en principe, le père, il doit toujours être en avant de son fils. Il peut pas venir après ou en même temps, c'est pas possible. Donc ça fait partie des éléments qui montrent la contradiction et l'absurdité de la croyance chrétienne, qui est en opposition avec l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Moïse, d'Abraham, de Jacob, de Noé, l'enseignement de tous les prophètes et en particulier l'enseignement du dernier d'entre les prophètes, qui est venu purifier et clarifier les éléments de la foi par rapport à Isa alayhi salam, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit hu Allah, il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne pour terminer ce verset hu Allahul Wahidul Qahhar, c'est-à-dire il est Allah l'unique, Al-Wahid Al-Qahhar, l'unique et le dominateur suprême. Donc cheikh Sa'di, il explique ça, il dit c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique en lui-même, il est l'unique dans ses noms, il est l'unique dans ses attributs, et il est l'unique dans ses actions. Et il n'y a rien qui lui ressemble dans quoi que ce soit de ces aspects-là. Donc, il est l'unique en lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé, et il est unique en lui-même, il est un. C'est-à-dire, il se divise pas, hein. Il va pas faire une partie de lui-même pour être son fils ou des choses de ce genre. Hein. On dit pas ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose qu'il est unique dans ses noms. C'est-à-dire que dans ses noms et dans ses attributs, il ne partage pas ses noms, il ne partage pas ses attributs avec personne. Il n'y a personne qui est comme lui. Et dans ses actions, la même chose. Il n'y a personne qui crée. Il n'y a personne qui donne la subsistance. Il n'y a personne qui fait vivre et qui fait mourir. Il n'y a personne qui gère l'univers et qui contrôle quoi que ce soit dans l'univers. C'est lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ça. Si on affirme ou on attribue à autre que à Allah quelque chose de ces éléments-là, on essaie d'attribuer à une créature des attributs d'Allah et des qualités d'Allah et des actions d'Allah, ça c'est du shirk, hein, c'est de l'association. Donc le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, ça rentre dans le shirk, hein, ça rentre dans le kufr, et ça rentre dans qu'est-ce qui amène à l'idolâtrie. C'est du shirk, il n'y a pas de doute, hein. C'est pour ça que les chrétiens sont considérés par les musulmans comme étant des idolâtres, parce qu'ils adorent Jésus, parce qu'ils adorent Marie, parce qu'ils adorent les saints et les prophètes et beaucoup d'autres, parmi les anges également. Ils adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Et ça, c'est du shirk. Et la raison pourquoi ils les adorent, hein, c'est parce qu'ils pensent justement qu'ils sont saints, mais qu'ils ont une part de la divinité, ou bien parce qu'ils ont des attributs divins, ou des choses de ce genre. Hein. Donc le cheikh, il explique ensuite, et il dit donc qu'il n'y a rien qui lui ressemble, et il n'y a rien de comparable à Allah. Et il dit, « فَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ » Si Allah avait un fils, ça aurait impliqué qu'il aurait quelqu'un qui lui ressemble dans son unicité, et qu'une partie de lui, parce que c'est une partie de lui, donc ça voudrait dire qu'il aurait quelqu'un de semblable à lui dans son unicité, dans le fait qu'il est unique. Et ça, c'est une contradiction. Et le fait que lorsqu'on dit que Allah est le dominateur sur tout l'univers, les mondes élevés et les mondes en bas, hein, tout ce qui est en haut et en bas sur terre, eh bien, si Allah avait un fils, ça impliquerait qu'il serait pas dominé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Qahhar, donc le dominateur suprême, celui qui domine tout dans l'univers et tout dans le monde, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et donc il dit que si il n'avait un fils, ça voudrait dire que ce fils-là ne serait pas sous sa domination suprême. Et donc donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient en contradiction avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa domination suprême et de son unicité. Et le cheikh explique que l'unicité d'Allah ainsi que sa domination, c'est deux choses qui s'impliquent et qui sont reliées ensemble. Donc l'unique doit être dominateur suprême et le dominateur suprême ne peut être que unique. Et ça implique la négation de toute forme de partenaire et de toute forme d'associé et d'avoir un fils également ou d'avoir une compagne ou des choses de ce genre. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comparable à ses créatures de cette façon-là. On n'a pas le droit de lui attribuer un fils. Hein, même si parfois les chrétiens ou les autres parmi les kuffars attribuent à Allah un fils dans le sens symbolique, même s'ils vont dire non, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime comme il aime, comme on aime nos enfants, ou des choses comme ça, hein, des choses de ce genre, pour parler par rapport au fait qu'il a de l'amour envers ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit complètement l'utilisation de ces termes-là pour justement éliminer toute ambiguïté et toute forme de shirk qui pourrait se produire dans l'esprit des gens ou dans leurs croyances ou dans leurs pratiques de la religion. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continuera demain inshallah la suite de ce tafsir. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.